sans nom, sans âge, sans adresse. Tel est Monsieur X qui, depuis que je le connais, se refuse obstinément à me donner des indications qui pourraient me permettre de l'identifier, et donc de briser cet anonymat auquel il est si farouchement attaché. Pourquoi ? Quel secret sa vie dissimule-t-elle ? Qui veut-il protéger en s'abritant derrière cet anonymat ? J'avoue que je n'en sais pas beaucoup plus qu'au premier jour. Pourtant, lors de notre dernier rendez-vous, pour la première fois, il a laissé échapper quelques confidences personnelles. Oh, pas grand-chose, hein, mais quand même. Alors voilà. Monsieur X a une ascendance russe. L'un de ses parents, il n'a pas voulu me dire lequel, est en effet né en Russie. À quelle époque ce parent est-il venu en France ? Avant, après la révolution d'octobre, mystère. Mais Monsieur X a gardé de cette ascendance un attachement, une fascination même pour tout ce qui touche la Russie et son histoire, qu'il semble d'ailleurs parfaitement connaître. Il m'a confié qu'il parlait le russe couramment et que cela lui avait souvent rendu de grands services au cours de sa vie aventureuse. En tout cas, on peut se demander si cette part slave de lui-même n'a pas déterminé son goût pour le romantisme, mais aussi pour les machinations, les affaires tortueuses, les énigmes, bref, sa part d'ombre. Mais venons-en au sujet qui est à l'origine de cette confidence. Dans les années 30, le jeune X fréquente le milieu des exilés russes. La meilleure façon d'apprendre la langue, dit-il aujourd'hui, peut-être. Mais n'oublions pas que c'est aussi une époque où les organisations de Russes blancs sont secouées par une série d'événements dramatiques et mystérieux. Et personnellement, je crois que c'est là qu'il faut chercher le véritable intérêt de Monsieur X pour les compatriotes de son père ou de sa mère. Résumons. En 1930, le général Koutiepov, président de l'Union des anciens combattants russes à l'étranger, est enlevé à Paris en plein jour. On ne le retrouvera jamais. Mais il semble évident que c'est à l'Est qu'il aurait fallu chercher sa piste. 7 ans plus tard, son successeur, le général Miller, disparaît à son tour. On sait maintenant avec une quasi-certitude que ce sont les Soviétiques qui l'ont enlevé. Transporté dans une camionnette de l'ambassade jusqu'au Havre, le général a été embarqué clandestinement dans un cargo russe qui, justement, s'était dérouté jusqu'au port normand. À l'époque, le gouvernement français a hésité à arraisonner le navire soviétique, mais c'est finalement la raison d'État qui l'a emporté et aucun occidental n'a jamais revu Miller. À noter que ce général a été la victime de l'un de ses adjoints, le général Skoblin, un agent soviétique qui fricotait aussi à l'occasion avec les nazis et qui, lui, réussit à s'enfuir. Mais chacun savait que les organisations de Russes blancs étaient souvent infiltrées, sinon noyautées par Moscou. En tout cas, M. X, lui, s'en doutait depuis longtemps. Strong, I can't fight, but I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, make my way on my own, but I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why. Rendez-vous avec X, Patrick Penaud. Tous ces Russes blancs étaient émouvants. Enfin, ceux que j'ai connus, c'était des déracinés, qui vivaient souvent d'ailleurs dans des conditions précaires. Ils étaient donc particulièrement vulnérables. Oui, vulnérables, si je vous entends bien, c'est-à-dire susceptibles d'être manipulés, influencés par les Soviétiques. Bien évidemment. Mais quel était le véritable objectif des Soviétiques ? Écoutez, mettez-vous à leur place. Les Russes voulaient savoir ce qui se passait dans tous ces cercles d'émigrés dont l'objectif était quand même le renversement du gouvernement communiste et le rétablissement des tsars. Non pas qu'ils aient été vraiment dangereux, mais c'était des noyaux de propagande anticommuniste, donc fallait les surveiller. Et ensuite ? Eh bien, ces cercles étaient de véritables réservoirs de main-d'œuvre. Je comprends pas, là, c'est contradictoire. Mais si, pour leur basse besogne à l'étranger, les Soviétiques avaient besoin d'hommes. Et d'une façon assez machiavélique, il faut le reconnaître, ils ont choisi de recruter leurs tueurs dans les milieux les moins susceptibles de leur être favorables, c'est-à-dire celui des Russes blancs. Ouais, vous dites des tueurs, mais pour tuer qui ? Ben c'est là que ça devient d'un machiavélisme échevelé. Staline va employer ces gens-là pour éliminer ses opposants à l'extérieur de l'URSS. Alors j'imagine là que vous parlez des années 36-37, au moment des grands procès de Moscou. Oui. On arrête à ce moment-là tour de bras, on soupçonne tout le monde. Mais Staline veut surtout éliminer la première génération de la révolution, tous ces communistes qui osent contester sa politique, tous ces vieux bolcheviques qui, eux, croient encore à la révolution, tous ces militants qui, par le seul fait qu'ils existent encore, sont un vivant reproche pour Staline. D'accord, mais ça, c'est à l'intérieur de l'URSS. Mais vous évoquez les bolcheviques de l'extérieur. Il y en a beaucoup ? Il y a d'abord tous ceux qui sont en Espagne. C'est la guerre là-bas, je vous le rappelle. Et ils sont nombreux dans les brigades internationales. Et puis, il y a tous les agents clandestins qui fourmillent en Europe et qui, à cette époque, sont encore des vrais militants qui agissent par idéal, même si, en réalité, ils font de l'espionnage. Alors, Staline leur demande de rentrer à la maison. À la maison, c'est-à-dire en URSS ? Oui, et la plupart obéissent pour leur malheur. Et pourtant, ils savent, ou tout au moins ils devinent ce qui les attend. Mais l'esprit du parti est le plus fort. Bon, vous avez dit que la plupart obéissent, mais si je comprends rien, il y en a qui refusent. Oui, traînent un peu les pieds. Enfin, ce qui les rend encore plus suspects, c'est là qu'interviennent les tueurs. Et Staline, en effet, ne pouvait pas faire de meilleur choix en recrutant des Russes blancs. Pourquoi ? Mais parce que ces hommes haïssaient naturellement tous les communistes. Là, voilà la vérité. Et vous avez des exemples ? Bon. C'est là, justement, où je veux en venir. Vous l'avez compris, puisque vous commencez à me connaître un petit peu. Attendez, une seconde, là. L'histoire que vous allez me raconter, vous l'avez vécue vous-même ou c'est une histoire qu'on vous a rapportée ? Curieusement, je pourrais vous répondre oui à chacun des termes de cette alternative. Car si j'ai bien connu personnellement quelques-uns des protagonistes de ce dossier, je n'ai réellement pris connaissance de son dénouement qu'il y a très peu de temps, en allant à Moscou. Où peu à peu, le KGB, comme vous le savez, s'est décidé à ouvrir ses archives et à révéler de redoutables secrets. Bon, alors allons-y. Par où on commence ? On commence par l'histoire d'un homme doux et maladif, aux yeux tristes et bons. Un grand échalade intellectuel qui est marié à une très grande poétesse. Un homme, en apparence, parfaitement inoffensif, charmant. Et pourtant, lui aussi faisait partie de l'équipe des tueurs de Staline. Il en était même l'une des pièces maîtresses. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passaient les violons quand tu étais dans la maison. Il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. Moi, dans la maison ville, dans ma chambre ville, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et chantant l'automne. n'attend personne. Je me souviens, moi, de ce musicien, un soir d'adieu à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien, et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre, et le passé comme une symphonie fait son entrée dans cette chambre. Dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe la nuit à écouter cette symphonie aujourd'hui finie et qui me rappelle que tu étais belle. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces. Et j'entends l'automne, moi je n'attends personne. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces. Et j'entends l'automne, moi je n'attends personne. Une précision d'abord. Monsieur X a parlé des tueurs de Staline qui assassinèrent les bolcheviks de la première génération. N'oublions pas que ces tueurs, quels qu'ils aient été, se sont prioritairement attaqués aux trotskistes, en Espagne surtout, pendant la guerre civile. Pour ce qui touche plus particulièrement les Russes blancs, j'ai consulté un témoignage, celui d'un dissident des services soviétiques, Cyril Enkin. Dans son livre « L'espionnage soviétique », paru aux éditions Fayard, l'ancien agent raconte qu'en France, où il a vécu dans les années 30, il fréquentait, je cite, « les milieux truffés d'agents staliniens de l'Union pour le rapatriement ». Mais nous n'allons pas tarder à reparler avec M. X de cette organisation de Russes émigrés. Enkin dit aussi qu'il était l'ami personnel des Russes blancs passés à Paris au service du GPU. Volontaire pour l'Espagne en 1936, Enkin affirme y avoir retrouvé les mêmes. En Espagne, où je vous le rappelle, les tueurs de Staline ont décimé les rangs des trotskistes du POUM. Reprenons l'enregistrement de ma conversation avec M. X. Alors, qui était ce grand échalas marié à une poétesse? Lui, c'était Sergueï Efron. Et sa femme, la poétesse, s'appelait Marina Tsvetaeva. Vous les avez connus? Oui, tous les deux. J'avais même de la sympathie pour eux. Et aussi, je l'avoue, pour leur fille, la douce Ariadna. Une beauté blonde aux yeux bleus, l'incarnation vraiment de la jeune fille russe. Ouais, j'ai l'impression qu'elle ne vous laissait pas tout à fait indifférent. Qui aurait pu le rester? Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Efron, je vous l'ai dit, était d'un commerce agréable, très cultivé, très serviable. Pour subsister, il écrivait des articles dans les revues de l'émigration russe. Bon, enfin, c'était d'un maigre rapport. Alors, il faisait des petits boulots, comme on dirait aujourd'hui, de la figuration, par exemple. C'est un intermittent du spectacle. Mais d'où venait-il? Eh bien, il avait eu un parcours assez curieux. Enfin, je parle de son parcours officiel, bien sûr. C'était le fils d'opposants au régime tsariste, des révolutionnaires, des gens qui avaient même tâté de la prison avant 17. Et pourtant, Sergueï Efron, lui, a choisi l'autre camp au moment de la révolution et il s'est engagé dans les gardes blancs. Bizarre, non? Ouais, ça, c'est effectivement bizarre, mais vous avez une explication, j'imagine. Ben, franchement, non. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'un adolescent choisit un camp plutôt que l'autre? Souvent, peu de choses, on l'a bien vu pendant la guerre, où des gosses engagés dans la résistance auraient aussi bien pu basculer de l'autre côté, et vice-versa. Rappelez-vous Lacombe, Lucien. En tout le cas, pour Efron, son choix, ça signifie l'exil, après la victoire de la Grande Révolution. Et c'est comme ça qu'il se retrouve, comme des milliers d'autres à Paris, avec sa femme, Marina Tsvetaeva. Donc, à l'époque, Efron est anti-soviétique. Comme tous les Russes blancs, oui. Enfin, c'est pas un extrémiste, bien au contraire. Il m'a raconté que dans les revues où il écrivait, il essayait au contraire de jeter une sorte de pont culturel entre la Russie soviétique et les émigrés. D'ailleurs, on va le retrouver dans une organisation, l'Union pour le rapatriement, où grenouillent beaucoup de Russes favorables aux soviets. Bon, ça, c'est donc, autant que vous puissiez nous le dire, c'est son parcours officiel. Mais l'autre Vous vous y attendez. Alors, autant vous le dire tout de suite, Efron était un agent du NKVD, c'est-à-dire, pour simplifier, l'ancêtre du GPU et du KGB. Mais s'il a choisi le camp des Blancs au moment de la Révolution, C'était donc peut-être sur ordre pour infiltrer les milieux de l'émigration ? Je crois pas, non. Il était trop jeune, non. Non, c'est après qu'il a dû être recruté quand il était déjà à Paris et qu'il devenait une personnalité influente des cercles blancs. Pour le NKVD, il avait le profil idéal, une couverture parfaite. Et vous, à l'époque, puisque vous l'avez connu, vous doutiez de quelque chose ? Alors, pas du tout. Vous l'imaginez bien. Enfin, pas tout de suite. Vous, c'est plutôt la jeune Arianna qui vous intéresse. Je vous en prie. Non, soyons sérieux. Moi, ce qui me passionnait par-dessus tout, c'était la littérature russe. Enfin, c'était les vers de Marina Tsvetaeva. C'était ma patrie perdue, et qui me faisait d'autant plus rêver qu'elle était loin et quasi inaccessible. Alors, comment avez-vous compris que Sergueï Efron était un agent du NKVD ? J'ai d'abord recueilli les confidences de sa fille, Arianna. Oui, toujours elle. Mais elle savait, elle ? Non, non, mais elle m'a laissé entendre que son père n'était pas un ennemi de l'URSS. Bien au contraire. Alors, ça m'avait intrigué. Ouais. Mais si Efron était vraiment un agent soviétique, dis donc qu'il avait fait cette confidence à sa fille, c'est qu'il n'était pas très prudent. Bah écoutez, même les meilleurs peuvent avoir des faiblesses. Bah, c'est difficile de devoir mentir en permanence, surtout aux êtres qu'on aime le plus. Bah, je le sais, l'expérience. Bon alors, Sergueï, qui adorait sa fille, avait craqué. Oh, il ne lui avait pas révélé toute la vérité, non, mais il n'avait pas pu s'empêcher de lui dire de quel côté allait son cœur. Pour le plus grand bonheur d'Arianna, qui ne rêvait que d'une chose, découvrir son pays et participer à la construction du communisme. Le romantisme révolutionnaire, quoi. La pauvre, ça lui a coûté cher. Donc d'accord, Sergueï Efron, lui, cachait son jeu, enfin en tout cas à peu près. Mais ça n'était quand même pas suffisant pour avoir des soupçons sur son appartenance au NKVD. C'est juste, non. Non, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est la soudaine disparition de Sergueï Efron. Oui, un beau jour de... Si je me souviens bien, c'était à l'automne 1937. Il disparaît, escamoté. Même Marina Tsvetaeva ne sait rien. C'est ce qu'elle affirme, en tous les cas. Et curieusement, quelques jours avant cette mystérieuse disparition, un homme est mort en Suisse, sauvagement assassiné. Et quand j'ai fait le rapprochement entre ces deux événements, j'ai commencé enfin à y voir clair, malgré mon jeune âge. Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Comme si c'était tout comme dans les prières qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougère. foudres et de guerre, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Patrick Pénaud a rendez-vous avec X. Résumons. Dans les années 30 à Paris, Monsieur X fréquente les Éphrones, des Russes émigrés. Ils sont trois. Le père, Sergueï, un intellectuel qui écrit dans des revues de Russes blancs, subsiste en faisant des petits boulots. Et surtout, il émarge au NKVD, l'organisme soviétique qui deviendra le GPU, puis le KGB. La mère, Marina Tsvetaeva, est poétesse. Quant à la fille, Arianna, elle ne rêve que de pouvoir partir et vivre en URSS. Et puis en 1937, Efron, soudain, disparaît. Peu de temps avant, nous a dit Monsieur X, un homme a été assassiné en Suisse. Et les deux événements sont liés. J'ai retrouvé dans la presse mention de cet assassinat, mais je ne veux pas déflorer le propos de Monsieur X. Bon, oublions un peu Efron. Pour peu de temps, rassurez-vous. Mais venons-en à cet homme assassiné en Suisse, sur une petite route près de Lausanne. Bon, qui est-ce ? Un bolchevique de la première heure. Un militant, un vrai, mais aussi un agent du GRU, comme on dit en français. C'est-à-dire un agent des services de renseignement de l'armée soviétique. Tantôt, il s'appelle Ludwig, tantôt Poretsky, ou encore Ignace Reiss. C'est sous ce nom qu'il est mort, le nom qui lui restera. Mmh. Et que fait ce Reiss en Suisse ? Ben, il se cache. Pour un clandestin, c'est pas tout à fait étonnant. Oui, sauf que dans le cas de Reiss, ce ne sont pas les services occidentaux ou nazis qui lui font peur, non. Ce sont ses propres amis. Reiss sait qu'il est l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Mais pourquoi ? Parce qu'il est sur le point de faire défection. C'est-à-dire passer à l'ouest. Oui, ce n'est pas le genre de Reiss, un type qui restera fidèle à ses idées jusqu'au bout, non. Pour lui, faire défection, c'est d'abord dire non à Staline. Mais avant d'en venir là, il faut essayer de comprendre. Reiss, agent clandestin donc, s'occupe à l'époque de coordonner l'aide militaire aux républicains espagnols. Et ce qu'il voit, ce qu'il apprend, la terre. De quoi voulez-vous parler exactement ? Mais de ce qui se passe réellement en Espagne, où les soviétiques semblent plus occupés par la lutte contre les trotskistes et les anarchistes que par la guerre contre les franquistes. Et ça, ça révolte le militant bolchevique Reiss. Puis il y a pire encore, il se rend compte que certaines livraisons soviétiques comportent du matériel périmé, défectueux. Bref, Reiss comprend très vite que Staline ne veut pas d'une victoire du Front populaire en Espagne. Oui, c'est le socialisme dans un seul pays, c'est ça. Enfin, ouais, en l'occurrence, l'URSS. Oui, c'est la priorité de Staline. C'est de renforcer le glacis soviétique. Un autre régime dominé par des communistes menacerait sa suprématie idéologique sur le mouvement communiste international. Alors, il fait semblant d'aider les républicains espagnols, mais c'est tout. Donc, si je comprends bien, Reiss se révolte, avez-vous dit ? C'est ça, c'est exact. Et quand on lui demande de rentrer à Moscou, ben, il refuse. Il refuse parce qu'il sait ce que sont devenus tous ses amis de la vieille garde, ceux qui ont commis l'erreur d'accepter le retour à Moscou. Ils ont terminé dans les caves de la Loubianka, une balle dans la tête. La Loubianka, c'est l'immeuble du KGB. Hein. C'est les bonnes prisons et du KGB, oui. Alors bon, cet homme de conviction écrit à ses camarades, au comité central. Et il leur dit pourquoi la politique de Staline est détestable et contre-révolutionnaire. Et il imagine vraiment, sérieusement, que sa lettre va parvenir à destination. Mais non, non, mais c'est pourquoi il va aussi la faire circuler dans les cercles oppositionnels. Ouais. C'est une sorte de testament qu'il écrit. Hein. Oui, malheureusement. Et c'est d'ailleurs cette lettre qu'il veut absolument diffuser et qui va causer sa perte. En effet, sortant un instant de sa cachette, il téléphone à un ami, un opposant comme lui. Mais il y a des traites partout et le NKVD va avoir vent de ce contact. Donc ils vont le retrouver. Et lui tendre un piège, bien dans la manière du NKVD. À Paris, c'est notre ami Efron. On le retrouve, Efron. Eh oui. Bon, il ne se mouille pas personnellement, mais il téléguide les tueurs. Toute une équipe de professionnels, des hommes, des femmes, des relais. Et surtout une pauvresse que Reiss a prise sous sa protection et qui va le perdre. Enfin, je vais aller plus vite. Rice s'échappe par miracle à la première tentative d'assassinat, la remise d'une boîte de bonbons empoisonnée par cette femme. La pauvresse, là. Oui. Mais la deuxième, ça sera la bonne. Rice est mitraillé au sortir d'un restaurant. On retrouve son corps le lendemain sur le bas-côté d'une route. L'équipe des Fronts a réussi, mais un grain de sable va tout ficher en l'air. Un grain de sable. Une erreur, oui. La police suisse mène son enquête avec célérité. Et elle met la main sur l'une des complices. Il ne lui reste plus qu'à dévider toute la bobine. Parce que les tueurs, ça j'ai du mal à y croire, les tueurs étaient restés sur place. Bah, au moins cette femme, oui. Celle qui avait loué la voiture des tueurs. Ouais, c'est quand même difficilement croyable. Hein. Et pourtant, c'est la vérité. On croirait le scénario raté de Greenpeace. Vous ne pensez pas, là, les faux époux turanges, là. Bon, enfin, c'est à peu près pareil, quoi. Et c'est la même panique. Les polices françaises et suisses remontent vite jusqu'au milieu russe blanc de Paris. Efron, sur l'ordre de Moscou, fuit. Et naturellement, c'est en URSS qu'il est discrètement exfiltré. Mais fondamentalement, pourquoi était-il si important d'éliminer Rice? Après tout, bon, ce n'était qu'un opposant politique vivant à l'étranger. Alors, que pouvait-il faire de réellement sérieux contre ses ex-amis? Détrompez-vous, c'était un homme dangereux. Mais dangereux pour qui? Mais pour Staline. Et là, je vous l'affirme, l'affaire prend une autre dimension. Rice avait percé un secret inavouable. Rice avait obtenu la preuve que Staline, dès cette époque, voulait négocier avec Hitler. Il savait que les deux dictateurs étaient de mèche. Voilà pourquoi il fallait absolument le faire taire. Jamais je n'aurais cru te revoir et pourtant, sans pas étonner, je t'ai reconnu à l'instant. Comment oublier ce regard qu'est le tien, qui fait que du coup le passé me revient. Dire que le temps t'empare l'amour, que la distance y met un frein. Rien que d'y penser me chamboule, rien que d'y penser me fait du bien. On me parlait de toi, de ta vie. Il paraît que t'occupes un petit coin paradis. Est-ce vrai que ta maman t'a quitté l'an dernier? Est-ce vrai que tu regrettes nous soyons manqués? Dire que le temps t'en perd toujours, que la distance dénoue les liens. Rien que d'y penser nous chamboule, rien que d'y penser n'y fait rien. Cette lettre adressée par Rice au comité central du PC de l'URSS, je l'ai retrouvée. Je vous en lis un seul extrait où Rice commence par regretter de s'être tu au moment des grands procès de 36-37 et des condamnations à mort. Je cite : « Je n'ai pas élevé la voix non plus pour protester lors des assassinats qui ont suivi. et ce silence fait peser sur moi une lourde responsabilité. Ma faute est grande, mais je m'efforcerai de la réparer, et de la réparer vite, afin d'alléger ma conscience. Jusqu'alors, j'ai marché avec vous, je ne ferai pas un pas de plus à vos côtés, nos chemins divergent, celui qui se tait aujourd'hui devient le complice de Staline et trahit la cause de la classe ouvrière et du socialisme. Quant aux accusations de M. X, Reiss savait que Staline et Hitler étaient de mèche. J'ai trouvé cette information dans les mémoires d'un révolutionnaire de Victor Serge. Je le cite. Par Reiss et Krivitsky, nous savions que des agents soviétiques maintenaient le contact avec les gouvernements nazis. Ces indices et quelques autres annonçaient clairement un prochain tournant de la politique russe vers la collaboration avec le Troisième Reich. Une thèse que confirme un autre auteur, Pierre Brouet, dans sa monumentale histoire du parti bolchevique. Enfin, rappelons que 2 ans plus tard, en 1939, éclatera la bombe de la signature du pacte germano-soviétique. Avez-vous une idée de la façon dont Reiss a eu connaissance de ces contacts secrets entre soviétiques et nazis ? Vous savez, tous ces bolcheviques de la vieille garde, ils se serraient tous les coudes. Alors l'information circulait entre eux, même si elle demeurait clandestine. Mmh. Et comme ils se trouvaient encore, malgré Staline, dans la plupart des organismes dirigeants, en recoupant leurs informations, les plus malins ou les plus lucides ont vite compris. Ouais, comme Ignace Reiss. Oui, et il l'a payé de sa vie. Et Efron, lui, qu'est-il devenu ? Staline, vous le savez, n'était pas un tendre. Or, Efron et son équipe avaient peut-être réussi leur mission en abattant Reiss, mais ils avaient été découverts, faute impardonnable aux yeux de Staline. Attendez, à l'époque, touchant l'assassinat de Reiss, a-t-on incriminé les soviétiques ? On n'a jamais pu faire la preuve que c'était le NKVD, bien sûr. Bon, mais la presse communiste a pris tout de suite les devants en présentant l'assassinat de Reiss comme un règlement de compte entre espions et provocateurs du fascisme international. Ouais, la langue de bois, quoi. Bien sûr, oui. Puis bientôt, on accusera les trotskistes et les hitléro-trotskistes, comme on dit, dans les colonnes de l'Humanité. Enfin, ça, c'était pas le plus surprenant. Donc, les soviétiques ont réussi à passer entre les gouttes, et ceux qui savaient n'ont rien dit, bien sûr. D'ailleurs, étrangement, à la Libération, on a constaté que le dossier Reiss avait disparu de la circulation. Enfin, revenons à Efron. Ce que je vais vous dire, là, maintenant, je ne l'ai vraiment découvert qu'il y a peu de temps, à Moscou, dans les fameuses archives du KGB, avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs, car c'était vraiment les fantômes de mon passé, là, qui ressurgissaient brutalement. Mmh. Allons vite, quand même. Donc, Efron est exfiltré en URSS en 1937, hein, donc si je vous ai bien suivi. Oui. Et là, bon, à son retour, on ne lui fait pas de compliments. Non, c'est même la douche froide pour lui. Non seulement, on ne peut pas officiellement l'accuser d'avoir raté sa mission. Bon, ça serait signer l'assassinat de Reiss, vous comprenez ? Alors, il faut trouver autre chose. Et là, une fois de plus, on va faire appel au vieux truc. On va accuser Efron d'être un espion au service des Français. Ouais, c'est quand même assez paradoxal pour un type qui a justement travaillé clandestinement pour les Soviétiques. Oui, mais je crois que les Soviétiques, Staline surtout, adoraient ces espiègleries de l'histoire. Alors, pour étayer l'accusation, on monte toute une machinerie. Ariadna, la belle Ariadna, notre amie Ariadna, oui, a enfin réalisé son rêve. Elle vit maintenant à Moscou. Alors d'abord, on lui colle dans les pattes un amoureux qui travaille pour le NKVD, bien sûr. Un espion. Oui, ouais. Puis un beau jour, on l'arrête et on la cuisine à la mode soviétique. Bon, résultat, elle finit par craquer et avoue. Mon père est un agent français. Oui, mais c'est un mensonge, ça. Est-ce qu'elle a un autre choix ? Même plus tard, d'ailleurs, quand elle se rétractera, ça n'a plus aucune importance. Ses aveux figurent noir sur blanc dans le dossier de son père et dûment signés. Mais le NKVD ne va pas se contenter des aveux d'Ariadna. Des amis, des camarades d'Efron sont interrogés, passés à la moulinette. Et aussi, contraints et forcés, ils confirment. Sergueï est bien à la solde des services français. Donc là, Efron est ficelé. Il est coincé, oui. C'est vraiment le mot. Tenez, voici ce que j'ai trouvé dans les archives de la Loubianka. Une déclaration proprement ahurissante d'Efron lui-même. Il dit à ses tortionnaires, je le cite de mémoire, « Si tous mes camarades et ma fille me considèrent comme un espion, alors, visiblement, c'est ce que je dois être. » Et il signe. Il signe. Ouais. Alors, comment tout ça s'est terminé pour lui ? Sans surprise, il a été condamné à mort pour trahison et fusillé. Mais Reiss n'était pas vengé pour autant, puisque c'était son propre bourreau, Staline, qui avait ordonné l'exécution. De mort, quoi. Ouais. Et cette très belle Ariana ? Eh bien, elle a été envoyée en Sibérie, où elle a passé de longues années au goulag. À son retour, puisqu'elle en est sortie, elle s'est consacrée à l'œuvre de sa mère. Ouais. Et sa mère, justement, la poétesse Tsvetaïeva, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Eh bien, par amour pour Efron, elle aussi, elle avait fait le voyage de Moscou. Mais non seulement elle n'a rien pu faire pour son mari, mais elle a vécu dans le dénuement le plus complet, abandonnée par tous, exilée dans un village perdu de Tatarie. C'est là qu'elle est morte. Un jour où le désespoir était encore plus grand que d'habitude, Marina a choisi de se pendre. Pour les auditeurs que cette histoire de Marina Tsvetaïeva intéresserait, je signale la parution d'un livre récent de l'écrivain russe Vitali Chantalinsky, paru chez Robert Laffont. Un livre intitulé « Les surprises de la Loubianka » sur les surprenantes découvertes littéraires que l'auteur a faites dans les archives du KGB. À samedi prochain.